tu es à Paris. Tu regardes la ville endormie. Tu en as rêvé toute ta vie, Paris. Tu es belle et tu es sûre de toi. Tu savais très bien ouvrir tes bras. Bien avant, avant de venir à Paris. Sans savoir que ton cœur était en vacances. Toi tu te grisais de ta propre insolence. Ton sourire acquis pour qui ton corps balancera. Tu n'avais pas vu l'amour en embuscade. Tu es revenu dans ton pays. Tu voudrais noyer dans ton oubli Paris. Tu es belle et tu n'es sûre de rien. Tu mesures le poids d'un chagrin qui t'obsède et te redit sans fin Paris. Sauvegarde jusqu'au jour où l'amour te regardera. Tu es seul et tu rêves à Paris. Tu regardes ta ville endormie comme avant, avant de venir à Paris. Paris.